Alors, et puis maintenant, après, il y a du plus fort. Alors, c'est vrai, il y a de la poche. Collection.